Chapitre 11 Le pouce du diable. Pendant l'absence du commandant, les hommes avaient exécuté divers travaux de façon à permettre au navire d'éviter la pression des icefields. Penn, Clifton, Bolton, Gripper, Simpson s'occupaient de cette manœuvre pénible. Le chauffeur et les deux mécaniciens durent même venir en aide à leurs camarades, car du moment que le service de la machine n'exigeait pas leur présence, ils redevenaient matelots, et comme tels, ils pouvaient être employés à tous les services du bord. Mais cela ne se faisait pas sans grande irritation. « Je déclare en avoir assez, » dit Penn, « et si dans 3 jours la débâcle n'est pas arrivée, je jure Dieu que je me croise les bras. »« De croiser les bras ?» répondit Gripper. « Il vaut mieux les employer à revenir en arrière. Est-ce que tu crois que nous sommes d'humeur à hiverner ici jusqu'à l'année prochaine ?»« En vérité, ce serait un triste hivernage, » repartit Plover. « Car le navire est exposé de toutes parts. »« Et qui sait, » dit Brunton, « si même au printemps prochain, la mer sera plus libre qu'elle ne l'est aujourd'hui. »« Il ne s'agit pas de printemps prochain, » répliqua Penn. « Nous sommes au jeudi. Si dimanche au matin la route n'est pas libre, nous revenons dans le sud. »« Bien parlé, » dit Clifton. « Ça vous va-t-il ? » demanda Penn. « Ça nous va, » répondirent ses camarades. « Et c'est juste. » reprit Warren, car si nous devons travailler de la sorte et aller le navire à force de bras, je suis d'avis de le ramener en arrière. Nous verrons cela dimanche, fit Wolston. Qu'on m'en donne l'ordre, reprit Brunton, et mes fourneaux seront bientôt allumés. Eh, reprit Clifton, nous les allumerons bien nous-mêmes. Si quelque officier, répondit Penn, veut se donner le plaisir d'hiverner ici, libre à lui, on l'y laissera tranquillement. Il ne sera pas embarrassé de se construire une hutte de neige pour y vivre en véritable esquimau. Pas de ça, Penn, répliqua Brunton. Nous n'avons personne à abandonner. Entendez-vous bien, vous autres. Je crois d'ailleurs que le commandant ne sera pas difficile à décider. Il m'a l'air fort inquiet déjà, et en lui proposant doucement la chose. À savoir, reprit Plover, Richard Shandon est un homme dur et entêté quelquefois. Il faudrait le tâter adroitement. « Quand je pense, » reprit Bolton avec un soupir de convoitise, « que dans 1 mois, nous pouvons être de retour à Liverpool. Nous aurons rapidement franchi la ligne des glaces dans le sud. La passe du détroit de Davis sera ouverte au commencement de juin, et nous n'aurons plus qu'à nous laisser dériver dans l'Atlantique. »« Sans compter, » répondit le prudent Clifton, « qu'en ramenant le commandant avec nous, en agissant sous sa responsabilité, nos parts et nos gratifications nous seront acquises. » Or, si nous revenions seuls, nous ne serions pas certains de la faire. Bien raisonné, dit Plover. Ce diable de Clifton s'exprime comme un comptable. Tâchons de ne rien avoir à débrouiller avec ces messieurs de l'amirauté, c'est plus sûr, et n'abandonnons personne. Mais si les officiers refusent de nous suivre, reprit Penn, qui voulait pousser ses camarades à bout. On fut assez embarrassé de répondre à une question posée aussi directement. « Nous verrons cela quand le moment sera venu, » répliqua Bolton. « Il nous suffira d'ailleurs de gagner Richard Shandon à notre cause, et j'imagine que cela ne sera pas difficile. »« Il y a pourtant quelqu'un que je laisserai ici, » fit Penn avec d'énormes jurons, « quand il devrait me manger un bras. »« Ah, ce chien !» dit Plover. « Oui, ce chien, et je lui ferai son affaire avant peu. » D'autant mieux, répliqua Clifton, revenant à sa thèse favorite, que ce chien-là est la cause de tous nos malheurs. « C'est lui qui nous a jeté un sort, » dit Plover. « C'est lui qui nous a entraînés dans la banquise, » répondit Gripper. « C'est lui qui a ramassé sur notre route, » répliqua Wolston, « plus de glace qu'on n'en vit jamais à pareille époque. »« Il m'a donné ses mots Dieu, » dit Brunton. « Il a supprimé le gin et le brandy, » répliqua Penn. « Il est cause de tout, » s'écria l'assemblée en se montant l'imagination. « Sans compter, » répliqua Clifton, « qu'il est le capitaine. » « Eh bien, capitaine de malheur !» s'écria Penn, dont la fureur sans raison s'accroissait avec ses propres paroles. « Tu as voulu venir ici, et tu y resteras. »« Mais comment le prendre ?» fit Plover. « Eh, l'occasion est bonne !» répondit Clifton. « Le commandant n'est pas à bord, et le lieutenant dort dans sa cabine. Le brouillard est assez épais pour que Johnson ne puisse nous apercevoir. »« Mais le chien !» s'écria Penn. « Capitaine dort en ce moment près de la soute au charbon, » répondit Clifton. « Et si quelqu'un veut, je m'en charge, » répondit Penn avec fureur. « Prends garde, Penn, il a des dents à briser une barre de fer. S'il bouge, je l'éventre, » répliqua Penn en prenant son couteau d'une main. Il s'élança dans l'entrepont, suivi de Warren, qui voulut l'aider dans son entreprise. Bientôt ils revinrent tous les deux, portant l'animal dans leurs bras, le museau et les pattes fortement attachés. Ils l'avaient surpris pendant son sommeil, et le malheureux chien ne pouvait parvenir à leur échapper. « Hurrah pour Pen !» s'écria Plover. « Et maintenant, qu'en veux-tu faire ?» demanda Clifton. « Le noyer, et s'il en revient jamais ?» répliqua Pen avec un affreux sourire de satisfaction. Il y avait à 200 pas du navire un trou de phoque, sorte de crevasse circulaire faite avec les dents de cet amphibie, et toujours creusée de l'intérieur à l'extérieur. C'est par là que le phoque vient respirer à la surface de la glace. Mais il doit prendre soin d'empêcher celle-ci de se refermer à l'orifice, car la disposition de sa mâchoire ne lui permet pas de refaire ce trou de l'extérieur à l'intérieur, et au moment du danger, il ne pourrait échapper à ses ennemis. Pen et Warren se dirigèrent vers cette crevasse, et là, malgré ses efforts énergiques, le chien fut impitoyablement précipité dans la mer. Un énorme glaçon repoussé ensuite sur cette ouverture ferma tout issue à l'animal, ainsi muré dans sa prison liquide. « Bon voyage, capitaine !» s'écria le brutal matelot. Peu d'instants après, Pen et Warren rentraient à bord. Johnson n'avait rien vu de cette exécution. Le brouillard s'épaississait autour du navire et la neige commençait à tomber avec violence. Une heure après, Richard Shandon, le docteur et Gary regagnaient le Forward. Shandon avait remarqué dans la direction du nord-est une passe dont il résolut de profiter. Il donna ses ordres en conséquence. L'équipage obéit avec une certaine activité. Il voulait faire comprendre à Shandon l'impossibilité d'aller plus avant, et d'ailleurs il lui restait encore 3 jours d'obéissance. Pendant une partie de la nuit et du jour suivant, les manœuvres des scies et du halage furent menées avec ardeur. Le Forward gagna près de 2 miles dans le nord. Le 18, il se trouvait en vue de terre, à 5 ou 6 encablures d'un pic singulier auquel sa forme étrange a fait donner le nom de « Pouce du diable ». À cette même place, le prince Albert, en 1851, l'Advance, avec Ken, en 1853, furent obstinément pris par les glaces pendant plusieurs semaines. La forme bizarre du pouce du diable, les environs déserts et désolés, de vastes cirques d'icebergs dont quelques-uns dépassaient 300 pieds de hauteur, les craquements des glaçons que l'écho reproduisait d'une façon sinistre, tout rendait effroyablement triste la position du Forward. Shandon comprit qu'il fallait le tirer de là et le conduire plus loin. 24 heures après, suivant son estime, il avait pu s'écarter de cette côte funeste de 2 miles environ. Mais ce n'était pas assez. Shandon se sentait envahir par la crainte et la situation fausse où il se trouvait paralysait son énergie. Pour obéir à ses instructions et se porter en avant, il avait jeté son navire dans une situation excessivement périlleuse. Le halage mettait les hommes sur les dents. Il fallait plus de 3 heures pour creuser un canal de 20 pieds de long dans une glace qui avait communément de 4 à 5 pieds d'épaisseur. La santé de l'équipage menaçait déjà de s'altérer. Shandon s'étonnait du silence de ses hommes et de leur dévouement inaccoutumé, mais il craignait que ce calme ne précédât quelque orage prochain. On peut donc juger de la pénible surprise, du désappointement, du désespoir même qui s'empara de son esprit quand il s'aperçut que par suite d'un mouvement insensible de l'icefield, le Forward reperdait pendant la nuit du 18 au 19 tout ce qu'il avait gagné au prix de tant de fatigue. Le samedi matin, il se retrouvait en face du pouce du diable, toujours menaçant, et dans une situation plus critique encore. Les icebergs se multipliaient et passaient comme des fantômes dans le brouillard. Shandon fut complètement démoralisé. Il faut dire que l'effroi passa dans le cœur de cet homme intrépide et dans celui de son équipage. Shandon avait entendu parler de la disparition du chien, mais il n'osa pas punir les coupables. Il eut craint de provoquer une révolte. Le temps fut horrible pendant cette journée. La neige, soulevée en épais tourbillons, enveloppait le brick d'un voile impénétrable. Parfois, sous l'action de l'ouragan, le brouillard se déchirait, et l'œil effrayé apercevait du côté de la terre ce pouce du diable dressé comme un spectre. Le Forward ancré sur un immense glaçon, il n'y avait plus rien à faire, rien à tenter. L'obscurité s'accroissait, et l'homme de la barre n'eut pas aperçu James Wall qui faisait son quart à l'avant. Shandon se retira dans sa cabine, en proie à d'incessantes inquiétudes. Le docteur mettait en ordre ses notes de voyage. Des hommes de l'équipage, moitié restaient sur le pont et moitié dans la salle commune. À un moment où l'ouragan redoubla de violence, le pouce du diable sembla se dresser démesurément au milieu du brouillard déchiré. « Grand Dieu ! » s'écria Simpson en reculant avec effroi. « Qu'est-ce donc ? » dit Fokker. Aussitôt les exclamations s'élevèrent de toutes parts. « Il va nous écraser ! Nous sommes perdus ! Monsieur Wall, Monsieur Wall ! C'est fait de nous ! Commandant, commandant !» Ces cris étaient simultanément proférés par les hommes de quart. Wall se précipita vers le gaillard d'arrière, Shandon, suivi du docteur, s'élança sur le pont et regarda. Au milieu du brouillard entr'ouvert, le pouce du diable paraissait s'être subitement rapproché du brick. Il semblait avoir grandi d'une façon fantastique. À son sommet se dressait un second cône renversé et pivotant sur sa pointe. Il menaçait d'écraser le navire de sa masse énorme. Il oscillait, prêt à s'abattre. C'était un spectacle effrayant. Chacun recula instinctivement, et plusieurs matelots, se jetant sur la glace, abandonnèrent le navire. « Que personne ne bouge !» s'écria le commandant d'une voix sévère. « Chacun à son poste !»« Hé, mes amis, ne craignez rien !» dit le docteur. « Il n'y a pas de danger. Voyez, commandant, voyez, monsieur Wall, c'est un effet de mirage, et pas d'autre chose !» « Vous avez raison, monsieur Clawbonny, » répliqua maître Johnson. « Ces ignorants se sont laissés intimider par une ombre. » Après les paroles du docteur, la plupart des matelots s'étaient rapprochés et de la crainte passaient à l'admiration de ce merveilleux phénomène qui ne tarda pas à s'effacer. « Ils appellent cela du mirage, » dit Clifton. « Eh bien, le diable est pour quelque chose là-dedans. Vous pouvez m'en croire. »« C'est sûr, » lui répondit Gripper. Mais le brouillard, en s'entr'ouvrant, avait montré aux yeux du commandant une passe immense et libre qu'il ne soupçonnait pas. Elle tendait à l'écarter de la côte, il résolut de profiter sans délai de cette chance favorable. Les hommes furent disposés de chaque côté du chenal, des haussières leur furent tendues, et ils commencèrent à remorquer le navire dans la direction du nord. Pendant de longues heures, cette manœuvre fut exécutée avec ardeur, quoique en silence. Shandon avait fait allumer les fourneaux pour profiter de ce chenal si heureusement découvert. « C'est un hasard providentiel, » dit-il à Johnson, « et si nous pouvons gagner seulement quelques miles, peut-être serons-nous à bout de nos peines. Monsieur Brunton, activez le feu. Dès que la pression sera suffisante, vous me ferez prévenir. En attendant, que nos hommes redoublent de courage. Ce sera autant de gagner. Ils ont hâte de s'éloigner du pouce du diable. Eh bien, nous profiterons de leur bonne disposition. » Et tout d'un coup, la marche du brick fut brusquement suspendue. « Qu'y a-t-il ? » demanda Shandon. « Wall, est-ce que nous avons cassé nos remorques ?»« Mais non, commandant, » répondit Wall en se penchant au-dessus du bastingage. « Hé, voilà les hommes qui rebroussent chemin. Ils grimpent sur le navire. Ils ont l'air d'être en proie à une étrange frayeur. »« Qu'est-ce donc ? » s'écria Shandon en se précipitant à l'avant du brick. « à bord !» s'écriaient les matelots avec l'accent de la plus vive terreur. Shandon regarda dans la direction du nord et frissonna malgré lui. Un animal étrange, aux mouvements effrayants, dont la langue fumante sortait d'une gueule énorme, bondissait à une encablure du navire. Il paraissait avoir plus de 20 pieds de haut. Ses poils se hérissaient. Il poursuivait les matelots, se mettant en arrêt sur eux, tandis que sa queue formidable, longue de 10 pieds, balayait la neige et la soulevait en épais tourbillons. La vue d'un pareil monstre glaça d'effroi les plus intrépides. « C'est un ours !» disait l'un. « C'est la bête du Gévaudan ! C'est le lion de l'Apocalypse !» Shandon courut à sa cabine prendre un fusil, toujours chargé. Le docteur sauta sur ses armes et se tint prêt à faire feu sur cet animal qui, par ses dimensions, rappelait les quadrupèdes antédiluviens. Il approchait en faisant des bonds immenses. Shandon et le docteur firent feu en même temps. Et soudain la détonation de leurs armes, ébranlant les couches de l'atmosphère, produisit un effet inattendu. Le docteur regarda avec attention et ne put s'empêcher d'éclater de rire. « La réfraction » dit-il. « La réfraction !» s'écria Shandon. Mais une exclamation terrible de l'équipage les interrompit. « Le chien !» fit Clifton. « Le doc-captain !» répétèrent ses camarades. « Lui !» s'écria Penn. « Toujours lui !» En effet, c'était lui qui, brisant ses liens, avait pu revenir à la surface du champ par une autre crevasse. En ce moment, la réfraction, par un phénomène commun sous ses latitudes, lui donnait des dimensions formidables, que l'ébranlement de l'air avait dissipées. Mais l'effet fâcheux n'en était pas moins produit sur l'esprit des matelots, peu disposés à admettre l'explication du fait des raisons purement physiques. L'aventure du pouce du diable, la réapparition du chien dans ces circonstances fantastiques, achevèrent d'égarer leur morale et les murmures éclatèrent de toutes parts. Chapitre 12. Le capitaine à terrasse. Le Forward avançait rapidement sous vapeur entre les icefields et les montagnes de glace. Johnson tenait lui-même la barre. Shandon examinait l'horizon avec son snow spectacle. Mais sa joie fut de courte durée, car il reconnut bientôt que la passe aboutissait à un cirque de montagnes. Cependant, en difficulté de revenir sur ses pas, il préféra les chances de poursuivre sa marche en avant. Le chien suivait le brick en courant sur la plaine, mais il se tenait à une distance assez grande. Seulement, s'il restait en arrière, on entendait un sifflement singulier qui le rappelait aussitôt. La première fois que ce sifflement se produisit, les matelots regardèrent autour d'eux. Ils étaient seuls sur le pont, réunis en conciliabule. Pas un étranger, pas un inconnu, et cependant ce sifflement se fit encore entendre à plusieurs reprises. Clifton s'en alarma le premier. « Entendez-vous, et voyez-vous comme cet animal bondit quand il s'entend siffler ? C'est à ne pas y croire, » répondit Gripper. « C'est fini, » s'écria Penn, « je ne vais pas plus loin. » « Penn a raison, » répliqua Brunton, « c'est tenter Dieu. »« Tenter le diable, » répondit Clifton. « J'aime mieux perdre toute ma part de maléfice que de faire un pas de plus. »« Nous n'en reviendrons pas, » fit Bolton avec abattement. L'équipage en était arrivé au plus haut point de démoralisation. « Pas un pas de plus, » cria Wolston. « Est-ce votre avis ?»« Oui, oui, » répondirent les matelots. « Eh bien, » dit Bolton, « allons trouver le commandant, je me charge de lui parler. » Les matelots, en groupe serré, se dirigèrent vers la dunette. Le Forward pénétrait alors dans un vaste cirque qui pouvait mesurer 800 pieds de diamètre. Il était complètement fermé, à l'exception d'une seule issue par laquelle arrivait le navire. Shandon comprit qu'il venait s'emprisonner lui-même. Mais que faire ? Comment revenir sur ses pas ? Il sentit toute sa responsabilité, sa main se crispait sur sa lunette. Le docteur regardait en se croisant les bras et sans mot dire. Il contemplait les murailles de glace dont l'altitude moyenne pouvait dépasser 300 pieds. Un dôme de brouillard demeurait suspendu au-dessus de ce gouffre. Ce fut en ce moment que Bolton adressa la parole au commandant. « Commandant, lui dit-il d'une voix émue, nous ne pouvons pas aller plus loin. » « Vous dites, » répondit Shandon, à qui le sentiment de son autorité méconnue fit monter la colère au visage. « Nous disons, commandant, » reprit Bolton, « que nous avons assez fait pour ce capitaine invisible, et nous sommes décidés à ne pas aller plus avant. »« Vous êtes décidé ? » s'écria Shandon. « Vous parlez ainsi, Bolton, prenez garde. » « Vos menaces n'y feront rien, » répondit brutalement Penn. « Nous n'irons pas plus loin. » Shandon s'avançait vers ses matelots révoltés lorsque le maître d'équipage vint lui dire à voix basse « Commandant, si nous voulons sortir d'ici, nous n'avons pas une minute à perdre. Voilà un iceberg qui s'avance dans la passe. Il peut boucher toute issue et nous retenir prisonniers. » Shandon revint examiner la situation. « Vous me rendrez compte de votre conduite plus tard, vous autres, » dit-il en s'adressant aux mutins. « En attendant, vire de bord. » Les marins se précipitèrent à leur poste. Le Forward évolua rapidement. Les fourneaux furent chargés de charbon. Il fallait gagner de vitesse sur la montagne flottante. C'était une lutte entre le brick et l'iceberg. Le premier courait vers le sud pour passer, le second dérivait vers le nord, prêt à fermer tout passage. « Chauffez, chauffez !» s'écria Shandon. « À toute vapeur ! Brunton, m'entendez-vous ? » Le Forward glissait comme un oiseau au milieu des glaçons épars que sa proue tranchait vivement. Sous l'action de l'hélice, la coque du navire frémissait, et le manomètre indiquait une tension prodigieuse de la vapeur. Celle-ci sifflait avec un bruit assourdissant. « Chargez les soupapes !» s'écria Shandon, et l'ingénieur obéit au risque de faire sauter le bâtiment. Mais ses efforts désespérés devaient être vains. L'iceberg, saisi par un courant sous-marin, marchait rapidement vers la passe. Le brick s'en trouvait encore éloigné de 3 encablures quand la montagne, entrant comme un coin dans l'intervalle libre, adhéra fortement à ses voisines et ferma toute issue. « Nous sommes perdus !» s'écria Shandon, qui ne put retenir cette imprudente parole. « Perdus !» s'écria l'équipage. « Sauf qui peut ?» dirent les uns. « À la mer, les embarcations !» dirent les autres. « À la cambuse !» s'écrièrent Penn et quelques-uns de sa bande. « Et s'il faut nous noyer, noyons-nous dans le djinn !» Le désordre arriva à son comble parmi ces hommes qui rompaient tout frein. Shandon se sentit débordé. Il voulut commander, il balbutia, il hésita. Sa pensée ne put se faire jour à travers ses paroles. Le docteur se promenait avec agitation. Johnson se croisait les bras stoïquement et se taisait. Tout d'un coup, une voix forte, énergique, impérieuse, se fit entendre et prononça ces paroles. « Tout le monde à son poste, part avirer !» Johnson tressaillit et, sans s'en rendre compte, il fit rapidement tourner la roue du gouvernail. Il était temps. Le brick, lancé à toute vitesse, allait se briser sur les murs de sa prison. Mais tandis que Johnson obéissait instinctivement, Shandon, Clawbonny, l'équipage, tous, jusqu'au chauffeur Warren qui abandonna ses foyers, jusqu'au noir Strong qui laissa ses fourneaux, tous se trouvèrent réunis sur le pont et tous virent sortir de cette cabine dont il avait seul la clé un homme. Cet homme, c'était le matelot, Gary. « Monsieur, s'écria Shandon en pâlissant, Gary, vous, de quel droit commandez-vous ici ?»« Duke !» fit Gary en reproduisant ce sifflement qui avait tant surpris l'équipage. Le chien, à l'appel de son vrai nom, sauta d'un bond sur la dunette et vint se coucher tranquillement aux pieds de son maître. L'équipage ne disait mot. Cette clé que devait posséder seul le capitaine du Forward, ce chien envoyé par lui et qui venait pour ainsi dire constater son identité, cet accent de commandement auquel il était impossible de se méprendre, tout cela agit fortement sur l'esprit des matelots et suffit à établir l'autorité de Gary. D'ailleurs, Gary n'était plus reconnaissable. Il avait abattu les larges favoris qui encadraient son visage et sa figure ressortait plus impassible encore, plus énergique, plus impérieuse. Revêtu des habits de son rang déposés dans sa cabine, il apparaissait avec les insignes du commandement. Aussi, avec cette mobilité naturelle, l'équipage du Forward, emporté malgré lui-même, s'écria d'une seule voix « Hurrah ! Hurrah ! Hurrah ! Pour le capitaine !»« Shandon, dit celui-ci à son second, faites ranger l'équipage, je vais le passer en revue. » Shandon obéit et donna ses ordres d'une voix altérée. Le capitaine s'avança au-devant de ses officiers et de ses matelots, disant à chacun ce qu'il convenait de lui dire et le traitant selon sa conduite passée. Quand il eut fini l'inspection, il remonta sur la dunette et d'une voix calme, il prononça les paroles suivantes. « Officiers et matelots, je suis un Anglais, comme vous, et ma devise est celle de l'amiral Nelson. L'Angleterre attend que chacun fasse son devoir. Comme Anglais, je ne veux pas, nous ne voulons pas, que de plus hardi aille là où nous n'aurions pas été. Comme Anglais, je ne souffrirai pas, nous ne souffrirons pas que d'autres aient la gloire de s'élever plus au nord. Si jamais pied humain doit fouler la terre du pôle, il faut que ce soit le pied d'un Anglais. Voici le pavillon de notre pays. J'ai armé ce navire, j'ai consacré ma fortune à cette entreprise. J'y consacrerai ma vie et la vôtre. Mais ce pavillon flottera sur le pôle boréal du monde. Ayez confiance. Une somme de 1000 livres sterling vous sera acquise par chaque degré que nous gagnerons dans le Nord à partir de ce jour. Or, nous sommes par le 72e, et il y en a 90, comptez. Mon nom, d'ailleurs, vous répondra de moi. Il signifie énergie et patriotisme. Je suis le capitaine à terrasse. « Le capitaine à terrasse ! » s'écria Shandon. Et ce nom, bien connu du marin anglais, courut sourdement parmi l'équipage. Maintenant, reprit Hatteras, que le brick soit ancré sur les glaçons, que les fourneaux s'éteignent et que chacun retourne à ses travaux habituels. Shandon, j'ai à vous entretenir des affaires du bord. Vous me rejoindrez dans ma cabine avec le docteur Wall et le maître d'équipage. Johnson, faites rompre les rangs. Hatteras, calme et froid, quitta tranquillement la dunette pendant que Shandon faisait assurer le brick sur ses ancres. Qu'était donc cet Hatteras ? Pourquoi son nom faisait-il une si profonde impression sur l'équipage ? John Hatteras, fils unique d'un brasseur de Londres, mort 6 fois millionnaire en 1852, embrassa jeune encore la carrière maritime, malgré la brillante fortune qui l'attendait. non qu'il fût poussé à cela par la vocation du commerce, mais l'instinct des découvertes géographiques le tenait au cœur. Il rêva toujours de poser le pied là où personne ne l'avait posé encore. À 20 ans déjà, il possédait la constitution vigoureuse des hommes maigres et sanguins. Une figure énergique, à lignes géométriquement arrêtées, un front élevé et perpendiculaire au plan des yeux, ceux-ci beaux mais froids, des lèvres minces dessinant une bouche avare de paroles, une taille moyenne, des membres solidement articulés et mus par des muscles de fer, formaient l'ensemble d'un homme doué d'un tempérament à toute épreuve. À le voir, on le sentait audacieux. À l'entendre, froidement passionné. C'était un caractère à ne jamais reculer, et prêt à jouer la vie des autres avec autant de conviction que la sienne. Il fallait donc y regarder à deux fois avant de le suivre dans ses entreprises. John Hatteras portait haut la fierté anglaise, et ce fut lui qui fit un jour à un Français cette orgueilleuse réponse. Le Français disait devant lui, avec ce qu'il supposait être de la politesse et même de l'amabilité, « Si je n'étais Français, je voudrais être Anglais. » « Si je n'étais anglais, moi, répondit Hatteras, je voudrais être anglais. » On peut juger l'homme par la réponse. Il eût voulu par-dessus tout réserver à ses compatriotes le monopole des découvertes géographiques. Mais, à son grand désespoir, ceux-ci avaient peu fait, pendant les siècles précédents, dans la voie des découvertes. L'Amérique était due aux Génois Christophe Colomb, les Indes aux Portugais Vasco de Gama, la Chine aux Portugais Fernand d'Andrada, la Terre de Feu aux Portugais Magellan, le Canada aux Français Jacques Cartier, les îles de la Sonde, le Labrador, le Brésil, le Cap de Bonne-Espérance, les Açores, Madère, Terre-Neuve, la Guinée, le Congo, le Mexique, le Cap Blanc, le Groenland, l'Islande, la mer du Sud, la Californie, le Japon, le Cambodge, le Pérou, le Kamtchatka, les Philippines, le Spitzberg, le Cap Horn, le détroit de Bering, la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Bretagne, la Nouvelle-Hollande, la Louisiane, l'île de Jan Mayen, à des Islandais, à des Scandinaves, à des Russes, à des Portugais, à des Danois, à des Espagnols, à des Génois, à des Hollandais. Mais pas un Anglais ne figurait parmi eux. Et c'était un désespoir pour Hatteras de voir les siens exclus de cette glorieuse phalange des navigateurs qui firent les grandes découvertes des 15e et 16e siècles. Hatteras se consolait un peu en se reportant au temps moderne. Les Anglais prenaient leur revanche avec Sturt, Donald Stuart, Burke, Wills, King, Gray, en Australie, avec Palliser, en Amérique, avec Cyril Graham, Waddington, Cummingham, dans l'Inde, avec Burton, Speke, Grant, Livingstone, en Afrique. Mais cela ne suffisait pas. Pour Hatteras, ces hardis voyageurs étaient plutôt des perfectionneurs que des inventeurs. Il fallait donc trouver mieux, et John eut inventé un pays pour avoir l'honneur de le découvrir. Or, il avait remarqué que si les Anglais ne formaient pas majorité parmi les découvreurs anciens, et que s'il fallait remonter à Cook pour obtenir la Nouvelle-Calédonie en 1774, et les îles Sandwich où il périt en 1778, il existait néanmoins un coin du globe sur lequel ils semblaient avoir réuni tous leurs efforts. C'était précisément les terres et les mers boréales du nord de l'Amérique. En effet, le tableau des découvertes polaires se présente ainsi. La Nouvelle-Zélande, découverte par Willoughby en 1553. L'île de Waigatz, découverte par Barrow en 1556. La côte ouest du Groenland, découverte par Davis en 1585. Le détroit de Davis, découvert par Davis en 1587. Le Spitzberg, découvert par Willoughby en 1596. La baie d'Hudson, découverte par Hudson en 1610. La baie de Baffin, découverte par Baffin en 1616. Pendant ces dernières années, Hearne, Mackenzie, John Ross, Perry, Franklin, Richardson, Bichet, James Ross, Back, Dees, Simpson, Ray, Inglefield, Belcher, Austin, Kellett, Moore, McClure, Kennedy, McClintock fouillèrent sans interruption ces terres inconnues. On avait bien délimité les côtes septentrionales de l'Amérique, à peu près découvert le passage du Nord-Ouest, mais ce n'était pas assez. Il y avait mieux à faire, et ce mieux John à terrasse l'avait deux fois tenté en armant deux navires à ses frais. Il voulait arriver au pôle même et couronner ainsi la série des découvertes anglaises par une tentative du plus grand éclat. Parvenir au pôle, c'était le but de sa vie. Après d'assez beaux voyages dans les mers du Sud, Hatteras essaya, pour la première fois en 1846, de s'élever au nord par la mer de Baffin. Mais il ne put dépasser le 74e degré de latitude. Il montait le sloop Halifax. Son équipage eut à souffrir des tourments atroces, et John Hatteras poussa si loin son aventureuse témérité que désormais les marins furent peu tentés de recommencer de semblables expéditions sous un pareil chef. Cependant, en 1850, Hatteras parvint à enrôler sur la goélette le Farewell une vingtaine d'hommes déterminés, mais déterminés surtout par le haut prix offert à leur audace. Ce fut dans cette occasion que le docteur Clawbonny entra en correspondance avec John Hatteras, qu'il ne connaissait pas, et demanda à faire partie de l'expédition. Mais la place de médecin était prise, et ce fut heureux pour le docteur. Le Farewell, en suivant la route prise par le Neptune d'Aberdeen en 1817, s'éleva au nord du Spitzberg jusqu'au 76e degré de latitude. Là, il fallut hiverner, mais les souffrances furent telles et le froid si intense que pas un homme de l'équipage ne revit l'Angleterre, à l'exception du seul Hatteras, rapatrié par un baleinier danois après une marche de plus de 200 miles à travers les glaces. La sensation produite par ce retour d'un seul homme fut immense. Qui oserait désormais suivre Hatteras dans ses folles tentatives? Cependant, il ne désespéra pas de recommencer. Son père, le brasseur, mourut et il devint possesseur d'une fortune de nabab. Sur ces entrefaites, un fait géographique se produisit qui porta le coup le plus sensible à John Hatteras. Abric, l'Advance, monté par 17 hommes, armé par le négociant Grinnell, commandé par le docteur Kane, et envoyé à la recherche de Sir John Franklin, s'éleva en 1853 par la mer de Baffin et le détroit de Smith jusqu'au-delà du 82e degré de latitude boréale, plus près du pôle qu'aucun de ses devanciers. Or, ce navire était américain. Ce Grinnell était américain, ce Kane était américain. On comprendra facilement que le dédain de l'anglais pour le Yankee se changea en haine dans le cœur d'Hatteras. Il résolut de dépasser à tout prix son audacieux concurrent et d'arriver au pôle même. Depuis 2 ans, il vivait incognito à Liverpool. Il passait pour un matelot, il reconnut dans Richard Shandon l'homme dont il avait besoin. Il lui fit ses propositions par lettre anonyme ainsi qu'au docteur Clawbonny. Le forward fut construit, armé, équipé. Hatteras se garda bien de faire connaître son nom. Il n'eut pas trouvé un seul homme pour l'accompagner. Il résolut de ne prendre le commandement du brick que dans des conjonctures impérieuses, et lorsque son équipage serait engagé assez avant pour ne pas reculer. Il avait en réserve, comme on l'a vu, de telles offres d'argent à faire à ses hommes que pas un ne refuserait de le suivre jusqu'au bout du monde. Et c'était bien au bout du monde, en effet, qu'il voulait aller. Or, les circonstances étaient devenues critiques. John Hatteras n'hésita plus à se déclarer. Son chien, le fidèle Duke, le compagnon de cette traversée, fut le premier à le reconnaître, et heureusement pour les braves, malheureusement pour les timides, il fut bien et dûment établi que le capitaine du Forward était John Hatteras.